Exercice 3, page 41. A. J'ai prêté mon livre. B. J'ai prêté mon livre. C. On va prendre 2 thé. D. On va prendre 2 thé. E. Je voudrais une baguette. F. Je voudrais une baguette. G. J'ai acheté une robe. H. J'ai acheté une robe.